devrais m'entendre beaucoup plus rapidement. Alors, amplitude, il reçoit du signal, ça c'est ok. Et puis tu dis il en envoie pas, t'as du volume, il est allumé ton ampli? Ton master tout en bas, il y a quelque chose, il y a du level. Puis sous output level, t'as quoi? Vas-y, joue. Je t'entends toujours ouais, très doucement en fait. Attends, je vais essayer de monter mon master. Vas-y, or. Ton envoi, il a combien? Essaye voir sur Ninjam, tu te mets à sur la ligne. Essaye, moi je baisse ici au cas où. Vas-y. T'as 12 décibels?